sans lune, remplie d'étoiles, sans amertume, plier la toile. On peut aller jusqu'au bout du monde, écrire des noms que la mer efface, chacun sa part de chagrin à la croisée des chemins. Nuit sans lune, remplie d'étoiles, sur les routes inconnues, respirer l'horizon. Ce qu'on laisse au détour rempli de maladresse, ce qu'on donne en retour pour cacher la détresse et l'amitié qui demande pourquoi. Aujourd'hui le regard est frileux, aujourd'hui aujourd'hui le regard est frileux, aujourd'hui je nourris le feu. Nuit sans lune, remplie d'étoiles, bête apeurée, ange aveuglé, le passé passé reste au fond de l'âme, une mélodie, un blues qui s'enflamme, quand l'amitié nous demande pourquoi. Nuit sans lune, remplie d'étoiles, sans amertume, plier la toile. On ne peut tuer le temps sans blesser un peu. On ne peut tuer le temps sans blesser un peu. L'éternité sans blesser un peu. Aujourd'hui, aujourd'hui le regard est frileux. Aujourd'hui, je nourris le feu. Le feu.